إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 22 aujourd'hui dans l'explication de Al-Usul al-Salata avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Puis le titre de la partie maintenant que ce qu'on commence à expliquer, qu'on retrouve dans le livre, c'est Anwa'u al-Ibada allati amara Allahu biha wa adillatu kulli naw', c'est-à-dire les différentes sortes d'adoration que Allah a ordonnées et les preuves de chacune des différentes sortes d'adoration. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir qui clarifie les versets qu'on a mentionnés au dernier cours au sujet de Ar-Rububiyya, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur et le Créateur et le Pourvoyeur et que c'est le Maître, et la preuve que c'est lui seul qui doit être adoré, c'est que c'est lui seul qui a tout créé et que c'est lui le seul maître de l'univers. Et donc il cite les paroles de l'imam Ibn Kathir, un des grands savants de l'islam, l'imam Ibn Kathir, Imaduddin. Qu'est-ce qu'il dit, cet imam? Il dit قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. Donc le cheikh il mentionne que l'imam Ibn Kathir a dit le créateur de toutes ces choses, c'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé les hommes, celui qui a créé la pluie, celui qui a créé les fruits qui sortent, que Allah a créé, et toutes ces choses-là, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Personne d'autre que lui. Et donc, parmi les différentes catégories d'adoration que Allah a ordonnées, il y a al-Islam, l'islam, la soumission, al-Iman, la foi, et al-Ihsan. Donc le cheikh il va expliquer ces trois degrés de la religion. Mais avant ça, il explique d'autres choses, des détails de la signification de qu'est-ce que c'est al-Ibada. Qu'est-ce que ça signifie l'adoration en arabe? Donc le cheikh il dit لما بين الشيخ أن الرب هو المعبود واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله فيك استشهد بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية وأراد أن يبين أنواع العبادة وأدلة كل نوع فالعبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع للشيء. Donc le cheikh explique que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, l'auteur de ce livre Les Trois Fondements, lorsqu'il a mentionné les versets et lorsqu'il a expliqué la définition de Ar-Rububiyya, que Ar-Rab c'est lui qui mérite d'être adoré, que c'est Al-Ma'boud, et qu'il a utilisé comme preuve de ça le verset 21 et 22 dans Surat Al-Baqarah, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous pour que vous puissiez atteindre la taqwa, hein, pour que vous puissiez le craindre et faire ce qu'il vous ordonne et vous écarter de ce qu'il vous a interdit, hein, en croyant ou en espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Donc, lorsqu'il a mentionné ce verset-là et cette parole-là comme preuve, il a cité la parole de l'imam Ibn Kathir pour supporter cette explication-là qu'il a donnée. Et donc le cheikh, il explique que qu'est-ce qu'il veut dire, donc c'est, il se base sur ce verset-là pour prouver que le seul qui mérite d'être adoré, c'est celui qui a tout créé. C'est le seul maître et le seul créateur. Donc, استشهد بكلام ابن كثير في تفسيره للآية. Et il a voulu expliquer en même temps par la suite les différentes catégories et les différentes sortes d'adoration. Et mentionner les preuves dans le Coran et dans la Sunna de chacune de ces différentes sortes d'adoration. D'accord? Donc, selon les savants, lorsqu'ils expliquent la définition du mot « ibada » dans la langue arabe, ils mentionnent que sa signification c'est « at-tadallul wal-khudu'. » At-tadallul wal-khudu'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de s'humilier, de se rabaisser. C'est ça l'adoration. Mais ça c'est le sens linguistique. Et ça nous donne un peu le sens aussi religieux, hein, parce qu'il y a un lien entre la définition linguistique et la définition religieuse aussi. Donc, comme exemple de ça, dans la langue arabe, on dit « tariqun mu'abbad », c'est-à-dire un chemin qui a été rabattu ou écrasé, ou à force qu'on a marché dessus, il a été aplani. Hein. Donc, on dit tariqun mu'abbad, et mu'abbad c'est la même racine que ibad, et c'est dans le même sens. Et donc il explique ensuite, il dit wal ibadatu qisman. Al qism al awwal ibadatun 'amma li jami' al khalq kulluhum 'ibadullah al mu'min wal kafir al fasiq wal munafiq kulluhum 'ibadullah bima'na annahum tahta tasarrufihi wa qahrihi وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى وهذه عبادة عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم كلهم يقال لهم عباد الله بمعنى أنهم مخلوقون له مذللون لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض illa ati ar-rahman 'abda. Donc le cheikh explique qu'il y a deux catégories si on veut d'adoration, deux catégories de ibada. La première c'est celle qui est générale, dans le sens que toutes les créatures d'Allah sont des serviteurs et des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que peu importe qu'ils soient croyants ou mécréants, pervers, obéissant ou pécheur, hein, ou bien adorateur, ou bien obéissant d'Allah, ou bien qu'ils soient des hypocrites, ils sont tous soumis ou, disons, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils sont tous sous son contrôle et ils sont tous sous sa gérance et son ordre. Et ils ont tous l'ordre et l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette forme générale d'adoration, elle inclut tout le monde, sans exception, les croyants et les non-croyants. C'est-à-dire que tout le monde, d'une certaine façon, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit musulman, dans le sens qu'il l'a accepté et qu'il le reconnaît, qu'il a témoigné de la ilaha illallah de Muhammad Rasulullah et qu'il accepte de se soumettre et d'obéir et d'adorer Allah, ou bien qu'il soit kafir, c'est-à-dire qu'il refuse de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et qu'il rejette la vérité qui est venue par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il est lui aussi soumis à Allah de cette façon générale. Pourquoi? Parce que c'est une créature d'Allah, et qu'il est créé par Allah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle et qui le gère. Donc dans ce sens-là, on est, étant donné qu'on est tous des créatures d'Allah, on est tous, d'une certaine façon, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a personne qui sort de ce, du contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa puissance dans ce sens-là. Et il mentionne le verset 93 dans Surat Maryam à ce sujet-là qui clarifie que tout ce qui est dans les cieux, il n'y a personne qui est dans les cieux ou dans la terre, excepté qu'il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala comme un serviteur. Yani comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va venir soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, وَهَذَا يَشْمَلُ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ كُلُّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منقادين لله سبحانه وتعالى وليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالى في ملكه. Donc ça comprend tous les habitants des cieux et de la terre, qu'ils soient croyants ou non, ils vont tous au jour de la résurrection venir soumis et obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a aucun d'entre eux qui a quoi que ce soit de partenariat avec Allah subhanahu wa ta'ala ou qui possède quoi que ce soit dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, al-qismu al-thani, ubudiyatun khassa bil-mu'minin, kama qala wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Wa qala ta'ala إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقال الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد. Donc la deuxième catégorie, c'est une autre catégorie qui est la catégorie particulière d'adoration, c'est-à-dire celle qui est spécifique et exclusive aux croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Furqan: et les serviteurs d'Allah sont ceux qui marchent de façon humble sur la terre. Et le verset 42 dans sourate Al-Hijr, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit: mon serviteur, tu n'auras sur lui aucune autorité. Hein? En parlant au shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Iblis et il lui dit: mon serviteur, tu n'auras aucune autorité sur lui. Et Iblis lui-même, même Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le verset 40 dans sourate Al-Hijr en disant: excepté tes serviteurs qui sont sincères et qui sont purs dans leurs intentions et dans leurs adorations et dans leur cœur. Donc cela, en voulant dire, il n'aura aucun contrôle et il ne sera pas capable de les faire dévier du droit chemin. Donc cette forme de ubudiyya, hein, d'obéissance ou de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est particulière aux croyants seulement. Et c'est al-ubudiyya, l'adoration, c'est-à-dire plutôt le fait d'être sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala ou soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par son obéissance, dans le sens qu'on lui obéit et on cherche à se rapprocher de lui en appliquant le tawhid. Hein? C'est ça la différence entre la première catégorie et la deuxième. La première, c'est quelque chose qui est, que tu le veuilles ou non, tu es soumis à Allah, peu importe. Hein? Que tu te soumettes, que tu acceptes volontairement de te soumettre ou non, tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui te contrôle. Et au jour de la résurrection, il va te ramener, tous les hommes vont être obligés de lui obéir et ils vont être soumis à lui. Tandis que la deuxième catégorie, c'est spécifique aux croyants, ceux qui ont accepté de se soumettre à Allah et qui ont appliqué le tawhid. Le cheikh il dit ensuite: al-ibadatu fi al-shar' ikhtalafa al-ulama'u fi ta'rifiha. Yani ikhtalafat 'ibaratuhum fi ta'rifiha. Wal-ma'na wahid. Fa minhum man yaqul: al-ibadatu ghayatu adh-dhulm ma'a ghayati al-hubb. Kama qala Ibn al-Qayyim fi an-Nuniyyah. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان. فعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل. Donc le cheikh il explique que les paroles des savants de la religion ont divergé en ce qui concerne la définition de l'adoration sur le plan religieux. ils ont des différentes façons d'exprimer ou d'expliquer l'adoration. Mais toutes ces différentes définitions ou expressions qu'ils utilisent, elles ramènent toutes vers le même sens et vers la même signification, même si c'est des expressions différentes. Et le cheikh, il explique comme exemple, la première, certains d'entre les savants ont dit que l'adoration, c'est la limite de l'humilité et avec la limite de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de te rabaisser et de t'humilier devant ton Créateur à la limite de ce que tu es capable, hein, le plus possible, et de faire preuve d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer le plus possible, à la limite de ce que tu peux avoir comme amour. Et ça, c'est l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre An-Nuniyya. Hein? An-Nuniyya, c'est un livre de vers, c'est-à-dire c'est composé en poésie. Et c'est un poème qui est composé de 6000 vers, 6000 environ, ou plus, vers, tout sur les questions de la croyance d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a et la réfutation des gens qui ont dévié dans la croyance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un des meilleurs livres que l'imam Ibn al-Qayyim a écrit. Et dans ce poème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa ibadatu ar-Rahman ghayatu hubbihi wa ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. C'est-à-dire que l'adoration, elle est basée sur deux pôles. Et ces deux pôles-là, c'est quoi? C'est la limite de l'humilité et la limite de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Donc il dit que il l'a expliqué de cette façon-là, de dire que c'est la limite de l'amour et la limite de l'humilité. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي لأن العبادة توقيفية لا تثبت بالعقل ولا بالعرف وإنما تثبت بالشرع وهذا تعريف صحيح. Donc le cheikh, il explique, il dit qu'il y a d'autres savants qui ont défini l'adoration en disant que l'adoration, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans sa révélation, sans que ce soit ramené à quelque chose qui a rapport avec la coutume, ni avec une implication rationnelle, ni que ce soit relié à quelque chose d'une chose qui est reliée à la raison, ou qui est explicable ou compréhensible rationnellement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et le cheikh, il dit pourquoi cette définition-là, elle est bonne. Il dit pourquoi elle est bonne, parce que elle nous explique que l'adoration, c'est quelque chose qui s'arrête à la révélation. C'est la page 96. Hein? Le cheikh, donc il dit, c'est tawqifiya. Tawqifi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu dois t'arrêter. Tu t'arrêtes à quoi? Tu t'arrêtes à qu'est-ce qui est dans les textes. Tu dépasses pas qu'est-ce qui est dans les textes. L'adoration, tu peux pas te baser sur la coutume ou la culture pour le définir. Tu peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, ah mais chez nous, on fait ça comme ça. Dans mon pays, on adore Allah de cette façon, parce que c'est pas basé sur ça. Et tu peux pas non plus dire j'ai déduit ça par la logique. Hein? Je vais faire 10 rak'at parce que je pense que c'est plus logique que faire 4 ou des choses de ce genre. L'adoration, c'est basé sur la révélation, sur le Coran et sur la Sunna, pas sur les affaires culturelles ou coutumières, ou bien pour les trucs des choses reliées à la raison non plus. ولكن التعريف الجامع المانع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن التعريف الجامع المانع هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف الجامع المانع هو أن العبادة اسم لجميع ما أمر الله به، ففعل ما أمر الله به طاعة لله، ففعل ما أمر الله به طاعة لله، وترك ما نهى الله عنه طاعة لله. هذه هي العبادة. لا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ترك لما نهى الله عنه طاعة لله هو عبادة. ولا تحصر أنواعها، أنواعها كثيرة. كل ما أمر الله به فهو عبادة، وكل ما نهى الله عنه فتركه سواء كان ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب هو عبادة، لأن العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. Donc, le Cheikh explique que ça c'est on a donné deux définitions, mais il y a une définition qui résume le mieux la question de l'adoration et qui la clarifie le mieux, c'est la définition qui a été donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et cette définition de l'adoration, elle englobe tout, hein, et elle est complète, hein. C'est quoi cette définition? C'est la suivante. Il dit que al-ibada, l'adoration, c'est un mot, ou c'est un nom, qui regroupe, hein, qui rassemble tout ce que Allah aime. Qui rassemble ou qui comprend tout ce que Allah aime, que ce soit des paroles ou des actions. Donc toutes les actions que Allah aime, c'est une adoration. Toutes les paroles que Allah aime, c'est une action. Et peu importe qu'elles soient intérieures ou extérieures, dans le sens que peu importe qu'elles soient intérieures, c'est-à-dire qu'elles soient faites des paroles ou des actions du cœur, ou bien qu'elles soient extérieures, c'est-à-dire des paroles, de la langue et des actions du corps. Donc ça c'est pour dire que tout ça c'est compris dans la, ça comprend la, ça définit la, l'adoration d'une manière complète. Il n'y a pas une sorte d'adoration qui est exclue dans cette définition là. Et bien entendu, pour savoir qu'est-ce qui est une adoration ou qu'est-ce qui n'est pas une adoration, ça implique qu'on doit savoir ce que Allah aime, et connaître, pour connaître ce que Allah aime, il faut regarder la révélation. C'est dans le Coran et dans la Sunna. Hein? On ne peut pas savoir ce que Allah aime par nos sentiments seulement, ou par nos goûts, ou par notre raison. On peut connaître ce que Allah aime par qu'est-ce qu'il a révélé. Donc le Cheikh, il explique, il dit que cette définition-là, c'est une définition complète qui englobe tout. Et c'est que l'adoration, c'est un mot ou un terme, un nom, qui englobe tout ce que Allah a ordonné de faire. Tout ce que Allah a ordonné de faire, si tu le fais, alors c'est une obéissance que tu fais pour Allah. Et tout ce qu'il t'a ordonné de laisser, c'est-à-dire il t'a ordonné de t'abstenir de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, alors si tu t'abstiens de le faire, dans ce cas-là, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une ibadah, c'est une adoration. Et l'adoration, elle n'est pas limitée par un nombre. Il n'y a pas un nombre, hein, qui est limité d'adoration, il peut y en avoir une infinité, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un nombre incalculable, innombrable. Et en général, si tu veux résumer ça, tu dis que tout ce qu'Allah a ordonné, c'est une adoration. Et tout ce qu'il a interdit de faire, si tu t'abstiens de le faire, alors c'est une adoration. Et donc, on ne peut pas les limiter. Hein. Et elles sont très très nombreuses. Et donc, si tu fais ce qu'Allah t'ordonne, ou si tu t'abstiens de ce qu'il t'a interdit, donc que ce soit intérieurement ou extérieurement, alors, yani, tu as adoré Allah. Quand on dit intérieurement, là, c'est les choses qui sont dans le cœur. C'est ça que ça veut dire. Donc, parmi les exemples d'adoration du cœur, il y a le fait d'aimer Allah. Aimer Allah, c'est une adoration du cœur. Craindre Allah, al-khawf, al-khashya, ça c'est dans le cœur. At-tawakkul, avoir la confiance en Allah, ça c'est dans le cœur. Ar-raja, l'espoir, ça c'est dans le cœur. Tu mets ton espoir en Allah. Aussi également, yani, ar-raja, on l'a dit déjà, l'espoir. Quoi d'autre encore? Quel autre exemple d'adoration du cœur on peut donner? L'intention, an-niyya. Al-bourde aussi, même le fait de détester, ça peut aussi être une adoration si tu détestes pour Allah quelque chose. Ça aussi, c'est une adoration. Al-ghadab, si tu te fâches pour Allah, oui. Si tu te fâches pour Allah, si tu te fâches pour toi-même, pour tes désirs ou tes passions, là, ça c'est un péché, c'est haram. Et ça peut t'amener à faire des péchés, des désobéissances. Mais si tu te fâches pour Allah, et dans les limites, tu dépasses pas la limite d'Allah, ça c'est quelque chose, Allah il va te récompenser pour ça. Donc ça c'est des exemples. En ce qui concerne également, par exemple, les actions du corps extérieur, ben là il y a les paroles que tu dis, la récitation du Coran, le fait de, par exemple, de dire le témoignage, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, toutes les bonnes paroles que tu fais, ordonner le bien, interdire le mal avec la langue, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des adorations de la langue. Puis il y a les adorations de le cheikh, il en mentionne justement du corps. Bon, il va donner des exemples de chaque. Des exemples de chaque, plus détaillés, plus d'exemples que ce que j'ai mentionné encore. Donc il dit fa takunu ala al-lisan mithlu at-tasbih wadh-dhikr wat-tahlil wan-nutq bish-shahadatayn kullu aqwal al-lisan al-mashru'a min dhikri Allah fa innaha 'ibadah. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit que toutes les adorations que tu fais avec la langue, que tu dis subhanallah, tu vois, subhanallah, c'est une parole qui veut dire quoi? Qui veut dire que tu veux éloigner d'Allah toutes les imperfections, toutes les faiblesses, tous les défauts, toutes les choses fausses qui pourraient lui être attribuées. C'est ça que ça dit subhanallah. Quand tu dis subhanallah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié, et qu'on écarte de lui toute faiblesse ou idée, incorrecte, ou des imperfections ou des choses de ce genre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire tanzih, an tunazzih Allah an kull ma la yaliqu bihi. Donc c'est ça. Subhanallah, c'est comme si dit gloire à lui. Et al-dhikr, c'est le rappel d'Allah. Faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala en mentionnant les adhkar. Les adhkar qui font partie de la sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Comme par exemple, quoi dire lorsqu'on sort de la maison, quoi dire lorsqu'on rentre à la maison, quoi dire lorsqu'on avant de manger. Voilà. Quoi dire avant de manger. Tu fais ça, mais j'entends pas le salam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et là, barakallah. Si c'est pas dans le Hajj. Ah, ok. De lever la main. Oui, c'est la sunna, c'est de le dire le salam seulement. C'est ça? Ah, ok. Ok. Non, non, parce que j'avais pas entendu le salam, c'est pour ça. Mais j'avais envie de lui répondre. C'est pour ça. Donc, ensuite, bon, c'est ça. Les adhkar, il y en a beaucoup. Et l'autre jour, il y a un frère qui m'a posé la question. Il m'a dit, mais Akhi, c'est quoi le dhikr? Parce que en fait, on avait parlé des différentes formes de zikr, puis on avait expliqué que, comme par exemple dans certaines sectes, comme par exemple chez les soufis, ils ont des formes de zikr qui sont contraires à la sunna. Ils font des zikr en groupe, ils font des zikr avec de la musique, ils font des zikr avec des tambours, ils font des zikr avec la danse, et toutes sortes de trucs comme ça. Donc, le frère, il m'a dit, ben c'est quoi le zikr alors dans ce cas-là? Comment on fait le zikr? Alors, j'ai expliqué, il y a beaucoup de formes de adhkar qu'on peut faire. En fait, il n'y a pas une chose que tu fais dans ta vie de tous les jours parmi les activités, que, excepté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un zikr pour dire avant de le faire. Hein? C'est-à-dire avant de manger, avant de dormir, quand tu te réveilles, avant d'aller aux toilettes, quand tu sors des toilettes, avant de rentrer à la mosquée, quand tu sors de la mosquée, avant de rentrer dans le souk, hein, lorsque tu, même avant d'avoir des rapports intimes avec ton épouse, il y a un zikr à dire. Pour tout, dans chaque chose de la vie, il y a un rappel à dire. Et il y a une chose que le professeur Hassan nous a enseigné. Donc, si quelqu'un, il apprend ses adhkar et il les pratique dans chaque situation de sa vie, chaque jour, eh bien, il va être constamment dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, pourquoi on veut faire des bid'ah et des innovations et rajouter des choses qui ne font même pas partie de la religion, alors que qu'est-ce qui est dans la sunna, on le néglige. Et puis on fait même pas la moitié ou le quart des fois ou le tiers ou le dixième de qu'est-ce qui est dans la sunna et qui est authentique. Hein? Donc c'est pour ça que les ulama ils disent que la sunna elle fait mourir la bid'a, elle fait mourir la sunna, parce que les gens s'accrochent à la sunna, à la bid'a, puis ils délaissent la sunna parce qu'ils sont trop préoccupés à faire des innovations, donc ils n'ont pas le temps de faire la sunna, alors que la sunna si on essayait de l'appliquer toute, on serait même pas capable, on n'aurait même pas le temps de tout faire, tout qu'est-ce qui est dans la sunna. Donc, comme on dit, la sunna, elle nous suffit. Ensuite, at-tahlil, c'est de dire la ilaha illallah. Hein? Non, c'est at-tahlil, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Oui, je pense. Eh non, eh non. At-tahmid, c'est alhamdulillah. At-tahlil, c'est de dire la ilaha illallah. Tasbih, c'est subhanallah. Et puis, donc, c'est ça. Wannutqu bi shahadatayn, Cheikh il mentionne ça. Lire le Coran, c'est un dhikr aussi. Hein. Donc, ça, c'est des adhkar, des adorations avec la langue. Tout ça, c'est des adorations qu'on prononce avec la langue. Wa kadhalika kullu ma fi al-qalb min at-taqarrub ila Allah azza wa jal. Fa innahu ibadah. كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة كل هذه أعمال القلب أعمال القلب اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه الرغبة إليه محبته سبحانه وتعالى الإخلاص له والنية الصادقة لله كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة. Donc le cheikh il mentionne que les adorations du cœur, il y en a de nombreuses aussi, il y en a beaucoup, et elles sont à la base, les adorations du cœur, elles sont à la base de toutes les autres adorations. Tout ce qui sort dans nos paroles et dans nos actions, eh bien, l'origine de ça, c'est les adorations du cœur. C'est les adorations du cœur qu'on fait qui nous poussent à agir et à appliquer les autres adorations. Hein? Donc, comme par exemple, le cheikh il mentionne la crainte d'Allah, l'espoir en Allah. Al-Khashya, c'est la crainte aussi. Sauf que c'est une crainte, comme Cheikh Ibn Uthaymin il mentionne que c'est une crainte accompagné de connaissances. Et Ar-Rahba, c'est le fait d'aspirer à Allah, d'aimer Allah. Hein? Ar-rahba aussi. Ar-rahba aussi, c'est une forme de crainte aussi. Et at-tawakkul, c'est le fait de mettre notre confiance en Allah. C'est une des grandes formes d'adoration aussi. Et al-inaba, ça veut dire de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en repentance. Et at-tawba aussi, c'est la repentance. Donc il y a deux termes qu'on utilise pour désigner la repentance. At-tawba et al-inaba. Et la différence entre les deux, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui se souvient? Non? La différence entre al-inaba et at-tawba, d'après ce que les ulama ont expliqué, c'est que quand tu fais al-inaba, quand tu fais at-tawba, tu te repentis, tu abandonnes ton péché. Tu as le remords, tu cesses de le faire, de faire le péché, tu cesses, et tu as la ferme volonté de ne plus le refaire. Ça, c'est at-tawba. Maintenant, al-inaba, il y a quelque chose de plus dedans. C'est quoi? C'est que lorsque tu te repens, tu deviens meilleur que ce que tu étais auparavant. C'est ça la différence entre at-tawba et al-inaba. C'est que non seulement tu t'es repenti, mais tu reviens à Allah avec plus de force que ce que tu faisais auparavant. De toute façon, on va le mentionner quand on va arriver à ce point-là, inshallah. Et donc, toutes ces al-isti'ana aussi, le fait de chercher l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça part du cœur. Et également de se réfugier en Allah subhanahu wa ta'ala, de donc la crainte, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah, la sincérité, faire preuve de ikhlas, l'intention sincère pour Allah, tout ça c'est dans le cœur. Et ça c'est une adoration aussi, c'est une forme d'adoration, ou ce sont des formes d'adoration. وَكَذَلِكَ تَكُونُ الْعِبَادَةُ عَلَى الْجَوَارِحِ مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة كل هذه عبادات بدنية والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح فإذا العبادة تكون على اللسان وعلى القلب وتكون على الجوارح ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية. Donc le cheikh il explique que l'adoration qui est faite avec le corps, c'est comme le fait de s'incliner devant Allah, le fait de se prosterner, le fait de faire le jihad fi sabilillah, de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on connaît donc que le jihad, il y a les différents degrés du jihad aussi. Le jihad avec les armes contre les koufars et les mushrikines, le jihad contre les munafiqines avec la langue et avec la plume, hein, en réfutant les arguments des koufars et des munafiqines quand ils attaquent l'islam, tu les réfutes, tu mentionnes les preuves contre ce qu'ils disent et tu leur montres leur mensonges et tu clarifies la vérité sur l'islam, sur la parole d'Allah. Ça fait partie du jihad aussi. Et également le jihad contre les koufars et les mushrikines aussi. Et on en a parlé donc, le jihad aussi avec les biens, l'argent, dépenser de l'argent pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour la da'wah. Il y a al-hijra aussi, le fait de quitter le pays des mushrikines pour aller vivre dans le pays des musulmans. Ça c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et ça fait partie des adorations que si tu le fais, tu reviens comme le jour que ta mère t'a mis au monde. C'est-à-dire celui qui quitte le pays des koufars et des mushrikines, puis il va faire la hijra, il s'en va dans un pays musulman, il redevient comme le jour qu'il est né. C'est-à-dire, Allah lui efface tous ses péchés. C'est comme le hajj mabrour. Hein? Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça. On attend juste le temps, le moment de le faire. Parce que, mashallah, celui qui fait la hijra pour Allah, avec sincérité, bien, inshallah, Allah va lui effacer tous ses péchés. Donc ça, c'est une ibada aujourd'hui. Les musulmans, ils ont inversé cette ibada. au lieu de faire la hijra vers les pays musulmans, ils font la hijra, ils quittent les pays musulmans vers les pays des kuffars et des mushrikins. Donc, inshallah, on va essayer de inverser cette situation, inshallah, petit à petit. Hein? Après, le cheikh, il dit, et il y a des adorations, donc, du corps, et il y a aussi une autre façon de diviser l'adoration. L'adoration du corps et l'adoration économique. Ça, on va le voir après. Donc, les exemples qu'on a donnés, il y a aussi les exemples de jeûne. Le jeûne, c'est une adoration du corps. Hein, et donc, il y a des adorations qui sont aussi avec la langue, donc d'autres avec le cœur et d'autres avec le corps. Et ces adorations-là, elles peuvent être divisées aussi en les adorations physiques et les adorations économiques. Si tu veux. Donc il dit que العبادة البدنية هي الثلاثة التي قلنا وتكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب وتكون مالية مثل إخراج الزكاة ومثل الإنفاق في سبيل الله وهو الإنفاق في الجهاد وقال تعالى وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الأموال قدم الأموال على الأنفس فالجهاد بالمال عبادة مالية. Donc le cheikh il explique, il dit que l'adoration, donc il y en a une catégorie qui est physique et une autre qui est économique. Parmi les physiques, c'est celles qu'on a mentionnées, celles qui sont apparentes sur la langue et sur le corps et les adorations du cœur. Puis celles qui sont économiques, c'est comme par exemple quand tu fais sortir la zakat, tu payes ta zakat. Wa alaykoum salam. Tu fais sortir ta zakat, tu fais sortir de l'argent fi sabilillah, hein? Tu dépenses pour le djihad, hein? Et donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il mentionne le verset 20 dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et luttez contre eux, hein, et luttez dans le sentier d'Allah avec vos biens et avec vos personnes, hein. Donc de dépenser fi sabilillah dans le djihad, ça fait partie des adorations économiques. Et bien entendu là, dépenser dans le djihad, c'est pas juste dépenser dans le djihad dans le sens de dépenser dans le combat armé, même aussi quand tu dépenses pour la da'wah, tu dépenses pour tout ce qui a rapport avec l'adoration, tu donnes pour faire construire une mosquée de l'argent, ou bien tu donnes pour construire une école, ou bien tu donnes pour faire imprimer des livres pour la religion, ou bien tu donnes pour aider à, par exemple, organiser des choses pour la propagation de l'islam et de la science, tu aides les pauvres, tout ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala avec l'intention d'aider les musulmans et d'aider la cause de l'islam, tout ça, ça rentre dans les adorations économiques. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais bien entendu aussi, par rapport au djihad, c'est toujours bien de clarifier ou de mentionner que c'est pas qu'est-ce que les groupes de takfir et djihadis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans les pays musulmans ou dans les pays non musulmans, puisque eux, qu'est-ce qu'ils font, c'est il y a des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Quand ils font des attentats, du terrorisme, des trucs de ce genre, et ils prétendent que ça c'est le djihad, ou quand ils tuent des innocents et ils disent que ça c'est le djihad, ça fait pas partie du djihad. Le djihad, c'est pas comme ça. Le djihad, il y a des conditions, il y a des règles, et c'est seulement le chef d'un pays musulman, c'est-à-dire le président dans un pays musulman, ou le roi dans un pays musulman, c'est lui seulement qui peut décider quand est-ce qu'on fait le djihad. Et c'est avec l'armée officielle de ce pays-là qu'on fait le djihad. C'est pas un petit groupe qui se décide qu'un... Un petit groupe, ils se mettent ensemble, ils disent on va se procurer des armes, puis on va attaquer les gens dans la rue. On va faire sauter telle place ou telle place, avec des femmes, des enfants, des vieillards et des innocents. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est de l'injustice, c'est quelque chose qui est du mal. Si quelqu'un pense que ça, c'est le djihad, alors il n'a rien compris du djihad. Le djihad, c'est une adoration d'Allah. Et la même chose que la prière. La prière, c'est une adoration. Et ta prière, est-ce que tu peux la faire n'importe comment? Non. Ta prière, il y a des conditions pour la faire. Il faut avoir le wudu, il faut être tourné vers la Qibla, il faut que ce soit le temps qui soit rentré, hein, et ainsi de suite. Il faut que ce soit pur, l'endroit où tu es, et ainsi de suite. Si tu fais ta prière, tu respectes pas les conditions, ta prière va pas être acceptée d'Allah, même si tu pries pendant des heures et des heures. Hein? Eh bien, le djihad, c'est la même chose. Le djihad, c'est une adoration d'Allah. Et il a des conditions, et il a des règles. Si tu penses que tu vas faire le djihad, et que tu respectes pas les conditions, tu fais pas le djihad fisabilillah, tu fais le djihad fisabilillah shaytan. C'est pas un djihad que tu fais pour Allah, c'est un djihad que tu fais, tu combats dans le chemin du shaytan. Parce que c'est pas le djihad qu'Allah t'a ordonné de faire que tu fais. Hein? Donc c'est pour ça que les ulama ils disent, il y a un djihad haq, il y a un djihad batil. Djihad qui est vrai, il y a un djihad qui est faux. Et même les koufars ils font le djihad. Ils font le djihad pour le faux. Toi, en tant que croyant, en tant que mu'min, en tant que salafi, en tant que quelqu'un qui s'accroche à la sunna, eh bien, tu dois faire le vrai djihad. Et selon les compréhensions des salafs, comment eux, ils ont fait le djihad. Et selon les règles expliquées dans le Coran et dans la sunna, et dans les paroles des salafs al-salih, et non pas n'importe comment. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui vendent de la drogue, et ils achètent des armes avec ça, et ils pensent que ça c'est pour financer le djihad. Comment tu veux financer une adoration par de l'argent qui vient des sources de choses qui sont haram à la base? Hein? Subhanallah. C'est comme si tu dis, je vais bâtir une mosquée, je vais prendre un prêt avec riba. Oui, c'est ça. ou bien, je sais pas moi, il y en a, comme tu dis, voler l'eau. Les ulama, ils mentionnent souvent ça dans les livres de fiqh. Voler l'eau. Est-ce qu'on a le droit de voler de l'eau? Faire le wudu, des choses comme ça, bon. Oustan. C'est comme, il y a des gens comme ça. Ils pensent que c'est suffisant d'avoir les bonnes intentions. Tu dis, ah, au moins eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent qu'ils vont aider les musulmans. Ils parlent, ils disent, ils font telle chose. Quoi? Est-ce que dans l'islam, est-ce que Allah il dit dans le Coran, l'important c'est juste de faire quelque chose, peu importe comment vous le faites, et que du moment que vous faites quelque chose, c'est ça l'important? N'importe comment? N'importe quoi? Juste pour aider l'islam et les musulmans? Non. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Alors ces gens-là, ils s'imaginent faire le bien. Ils s'imaginent faire le djihad. Eh bien, donc djihad, c'est pas un djihad. C'est comme ceux qui, par exemple, à l'époque des Sahaba, les Khawarij, qui sont sortis contre Ali, radiallahu anhu. Ils s'imaginaient qu'ils faisaient le djihad en tuant les sahaba. Ils s'imaginaient que tuer les sahaba c'était un djihad. Et de les égorger, et d'éventrer leurs femmes enceintes, que ça c'était... Wa alaykoum salam, barakallahu fik. Et d'égorger et d'éventrer leurs femmes qui étaient enceintes avec leurs bébés, et de les tuer avec elles et leurs bébés. Ils pensaient qu'en faisant ça, ils allaient se rapprocher d'Allah et se rapprocher du paradis. Ça, c'est les Khawarij. Ils s'imaginaient faire le bien. Hein? Ils s'imaginaient faire le djihad, imaginez. Aujourd'hui, c'est la même chose. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est pour ça, faites bien attention à ceux qui vous parlent de djihad aujourd'hui, puis qui rallient ça avec Oussama Ben Laden, ou bien avec Al-Qaïda, ou bien avec ces autres groupes d'égarements. Ce sont des gens qui suivent la voie des Khawarij. Ce ne sont pas des gens qui sont sur la voie de l'islam, qui suivent le djihad selon les règles de l'islam. Ce sont des gens d'innovation, des gens de bid'ah, qui sont en train de contredire les enseignements du Coran et de la Sunna, et ils ne sont pas en train d'aider l'islam et les musulmans, ils sont en train d'écraser et de donner encore une plus mauvaise image de l'islam et des musulmans. Hein? Et regardez les difficultés qui ont atteint les musulmans maintenant à cause d'eux. Et regardez combien ils ont fait couler le sang des musulmans innocents. Dans, non seulement ils ont tué des kuffars qui sont innocents et qui sont sous une entente de paix avec les musulmans, mais en plus même ils ont même tué, ils ont même fait couler le sang des musulmans dans les pays musulmans. Leur première victime, c'est les musulmans. Et le sang du musulman, il est plus sacré que la Mecque, plus sacré que hein, le mois. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel jour on est aujourd'hui, quel mois on est, quel jour on est, à quel endroit on est. Hein, il a dit, on est le jour de Arafat et on est à, hein, on est à Mecca et c'est le mois de Dhul-Hijjah. Et il a dit, le sang, votre sang et vos biens pour vous est aussi sacré que ça. Hein, aussi sacré que ça. Donc si tu fais couler une goutte de sang d'un musulman, hein, c'est plus grave que d'offenser l'aspect sacré de ces lieux-là et de ce jour-là et de ce moment-là. Hein? Mais les gens, bon, pour ces gens-là, il y en a, c'est comme on dit, des chiens enragés, assoiffés de sang. Pour eux, le sang du musulman n'a pas de valeur. Hein? Et le sang de celui qui a une entente de paix avec les musulmans n'a plus de valeur pour eux. Plus rien n'a de valeur pour eux. Parce qu'ils ils ont été mordus par la bid'a des khawarij. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais c'est ça, exactement ça. Qu'est-ce que tu dis? Ces gens-là, c'est ça leur parole à chaque fois quand tu leur dis. Ils te sortent le discours émotif et émotionnel pour te faire couler les larmes. Ils te disent, ouais, mais mon frère, les dirigeants, ils font rien, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? On attend qu'on se fasse tous égorger? Ils sont en train de tuer nos femmes, de faire ci, de faire ça, hein? Et là, les gens qui sont émotifs, ils entendent ce discours, ça y est. Hein? Ils disent, ah oui, t'as raison, hein? Il faut faire quelque chose. Faire quoi? Il faut rester dans les limites de ce que Allah et son messager nous a ordonné. Et si on est dans une situation où on peut rien faire, où on n'a pas à faire, par exemple, un acte spécifique militaire, parce qu'on n'a pas la capacité, voilà, comme ça, Allah, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, comme le frère, il a dit, qu'est-ce que Cheikh Al-Albani, il a répondu. Il a dit, comment ça, rien faire? Le musulman, il peut pas dire, je vais rien faire, il y a tellement de choses à faire. Si t'es un musulman, t'as pas de temps pour t'ennuyer. Hein, lecture du Coran, zikr, ibada, talab al-ilm, hein, et plein d'autres actes, plein d'autres choses que t'as à faire. Hein, donc de commencer à dire je peux rien faire, ça c'est grave. Bon, c'était juste une note, une petite parenthèse en passant. Parce que c'est nécessaire, puisqu'il y a sur les sites internet, dans les blogs, dans les forums, hein, et sur Facebook et un peu partout, des gens qui propagent des idéologies de khawar et de takfir. Et les gens qui sont, qui ont des connaissances parfois, qui ont des influences de ce genre, ils propagent ça dans leur entourage. Et les gens sont influencés par ces idées-là facilement. Hein? Surtout les jeunes. Les gens qui connaissent pas la charia et les règles de la religion ou le manhaj des salafs, ils se laissent facilement influencer par ces idées-là parce que c'est un discours émotif. Hein. Donc, en particulier les femmes, Allah musta'an. Vous savez qu'il y a des gens qui vivaient à l'époque, je me rappelle plus c'était quelle époque exactement, mais je pense que c'était, si je me rappelle bien, son nom c'était Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan, il s'est marié avec une femme khariji, des khawarij. Imran ibn Hattan, il s'est marié avec une femme, si je me rappelle bien de son nom, c'est ça. Il s'est marié avec une femme parmi les khawarij. Subhanallah. Il dit, je vais la marier, puis je vais lui faire da'wah, puis elle va quitter la secte des khawarij. Eh bien, il s'est marié avec elle, puis c'est lui qui est rentré avec les khawarij par la suite. C'est lui qui est devenu un khariji à cause d'elle. Hein? Donc faites attention les frères à qui vous vous mariez. Et faites attention les sœurs aussi à qui vous vous mariez. Parce que si vous vous mariez avec des khawarij, eh bien franchement c'est très dangereux pour votre aqida et votre manhaj et pour vos enfants aussi. Après le cheikh il dit al-hajj سيتكون الحج يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية فأداء المناسك الطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية أما الإنفاق فيه فهو عبادة مالية لأن الحج يحتاج إلى نفقة. Donc le cheikh explique encore qu'il y a une autre catégorie d'adoration qui comprend les deux sortes. Il y a le hajj, il comprend l'adoration physique et il comprend aussi l'adoration économique aussi. Puisque pour faire le hajj, lorsque tu pars pour faire le hajj, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent pour faire le voyage, ça prend de l'argent pour tes provisions, ça prend de l'argent pour laisser à ta famille, si tu as une femme et des enfants ou des gens que tu vas laisser derrière. Et donc, c'est une. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, c'est une adoration qui demande de l'argent. Et il y a aussi des adorations physiques dedans, comme le tawaf, le sa'i, le fait de lancer les djimars, les pierres, hein, les djamarat, le fait de se tenir à Arafah, le jour de Arafah. Al-Mabid bi Muzdalifa, de dormir une nuit à Muzdalifa. Tout ça, c'est des adorations physiques. Hein? Il y a des frères qui ont fait le hajj. Quand on fait le hajj, on se sent. On entend ces mots-là, là, on peut mettre des choses à ces noms, des réalités derrière ces noms-là. Tandis que quand on les a seulement lus dans les livres, c'est pas la même chose. Kayf al-hal akhi? Khair, alhamdulillah. Donc c'est ça, c'est une adoration physique et une adoration économique. Ensuite, le cheikh il explique maintenant les trois degrés donc de la religion. Il dit wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal-iman wal-ihsan. Donc le cheikh il va énumérer une série d'adorations, mais il commence par les trois bases, puisque c'est les trois degrés de la religion, l'islam, les sortes d'adoration que Allah a ordonné, comme l'islam, la foi, l'iman et l'ihsan. قال الشيخ donc le cheikh al-Fawzan il dit والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر لأنها أكثر من مما لأنها أكثر مما ذكره ولا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة ولكن ذكر أمثلة ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة اسمها العبودية تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة وهي رسالة قيمة يحتاج طالب العلم أن يقرأها. Donc le cheikh al-Fawzan ici, il nous donne un point, il nous explique un point, il nous donne une faïda en même temps, un point bénéfique. Il dit que donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné des différentes formes d'adoration comme exemple. Hein? Pas pour essayer de d'énumérer toutes les adorations, parce que ça c'est pas possible, il y en a un nombre indéfini, il y en a un nombre très grand d'adorations. Mais il a mentionné quelques exemples. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Ubudiyya. Et dans ce livre-là, il parle de l'adoration en détail. Et il énumère différentes sortes d'adorations et il explique aussi les déviations dans lesquelles sont tombés les soufis au sujet de l'adoration. Donc c'est une des meilleures risalas, une des très bonnes risalas de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, et il dit que la personne qui fait la quête du savoir de l'islam et qui recherche la science, c'est bon pour lui de lire ce livre. C'est bon pour lui de lire ce livre. Inch'Allah, peut-être on le lira un jour, on fera un cours avec ce livre-là. Al-Ubudiyya. C'est un très très bon livre. Et c'est très bon, même les kuffars, ils peuvent profiter de ce livre-là. S'ils entendent le sujet de Al-Ubudiyya, ils peuvent yani, apprendre beaucoup de choses sur l'islam, puis même beaucoup de gens peuvent se convertir à l'islam s'ils entendent le contenu de l'explication de ce livre, en particulier la première moitié du livre. Le cheikh il dit ensuite وقوله رحمه الله مثل الإسلام والإيمان والإحسان هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات الإسلام والإيمان والإحسان وسيأتي شرحها في كلام الشيخ رحمه الله في الأصل الثاني وذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة الشيخ dit donc il a mentionné l'islam, l'iman et l'ihsan, ce sont trois parmi les plus grandes formes d'adoration. L'islam, l'iman ou l'ihsan, on va les expliquer plus tard dans le deuxième fondement, quand on va arriver à ce point-là. Le cheikh, il l'a mentionné ici parce que c'est parmi les formes d'adoration. فالإسلام بأركانه الخمسة الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه كلها عبادات مالية وبدنية كالإيمان بأركانه الستة وهو من أعمال القلوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذه عبادة قلبية. Le cheikh il dit que l'islam avec ses cinq piliers, premièrement les deux témoignages, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, l'établissement de la salat, les cinq prières par jour, az-zakat, de donner la zakat, le jeûne du ramadan, de faire le pèlerinage à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-haram. Toutes ces adorations-là sont des adorations du cœur, des adorations du corps et des adorations économiques aussi. De même qu'il y a al-iman avec ses six piliers, la foi avec ses six piliers. Comme par exemple la foi en Allah, ça c'est des adorations du cœur. Hein, la foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi en le jour dernier, la foi en la prédestination, ce qu'Allah a prédestiné pour nous de bien ou de mal. Et ça c'est une adoration, ça c'est la foi c'est une adoration du cœur. وكذلك الإحسان وهو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا أعلى أنواع العبادة لأن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة وهو تسمى مراتب الدين لأن مجموعها هو الدين لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فسمى هذه الثلاثة الدين. Donc le cheikh explique qu'il y a l'ihsan aussi. C'est, si on veut, le perfectionnement de l'adoration ou bien l'excellence dans l'adoration. Ok? C'est le plus haut degré de la religion. Et c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu le vois pas, alors lui, il te voit. Et donc, comme on dit, c'est le plus haut degré de la religion, la plus haute catégorie de l'adoration. Et pourquoi? Parce que le cheikh il dit لأن الإحسان هو أعلى أنواع العبادة donc c'est ça parce que c'est le plus haut niveau de l'adoration, c'est l'excellence, la perfection de l'adoration, d'adorer Allah comme si tu le voyais, ça veut dire, comme on va le voir plus tard, ça veut dire tu adores Allah subhanahu wa ta'ala avec perfection, tu ressens toujours que Allah est proche de toi et que il voit tes gestes, il voit tes actions, il te surveille pendant que tu le fais. Donc quand tu sais que quelqu'un te surveille, tu essaies de faire quelque chose mieux que lorsque tu sens pas qu'il te regarde. Hein? Quand tu es dans ton travail, parfois tu travailles, tu sais que ton patron il te regarde. Peut-être que tu vas faire plus d'efforts pour être à ton affaire. Puis quand tu sais qu'il est parti, là peut-être tu prends plus ton calme. Ça c'est l'exemple de certaines personnes, hein, comment on agit des fois. Donc ça c'est un exemple. Mais dans l'adoration, des fois ça nous arrive aussi, des fois qu'on est moins conscient du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Hein? Dans certaines fois, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, notre cœur est un peu insouciant. Donc c'est pour ça que quand on arrive à adorer Allah avec ihsan, eh bien c'est là qu'on essaie d'être présent nous-mêmes, d'avoir un cœur réveillé, un cœur présent pendant notre adoration, pas distrait à d'autres choses. Tu fais ta salat, puis ton esprit se promène, va vagabonder un peu partout pendant ta salat. Donc ça, c'est pas l'adoration qui est faite avec ihsan. Hein? Aussi, de faire une adoration, tu la fais juste avec le corps. Mais ton cœur, il est pas présent, dans le sens que t'es pas concentré comme il faut. Aussi, des fois, tu le fais, mais tu fais à moitié. Tu fais pas les choses selon les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, ou yani, la sunna, hein, le Coran et la sunna. Chaque fois, je vois de plus en plus ici à Montréal, c'est les sœurs qui se voilent pas correctement islamiquement. À chaque fois, je pense à cet exemple-là. Parce que je me dis, si t'as vraiment l'ihsan, et que tu portes ton hijab pour que Allah soit satisfait de toi, puis après tu le portes pas selon les règles de la charia, c'est une contradiction. Comment habituellement un croyant, quand il veut faire quelque chose pour plaire à Allah, il essaie de le faire de la meilleure façon possible et de le faire de la manière qui va rentrer dans les conditions de la charia pour que Allah nous récompense pour ce geste. Hein? Donc quand on voit des fois la façon dont certaines femmes se voilent, on se demande, est-ce que quand elles le font, quand elles le portent, elles cherchent la récompense d'Allah? Et que est-ce qu'elles ont réellement compris les conditions de cette adoration-là? Ou bien elles le font juste pour satisfaire quelqu'un parmi les créatures? Hein? C'est comme une fois, je me rappelle, il y a une femme, elle portait pas un voile islamique correctement. Hein? C'est une jeune fille, elle était voilée. On lui a dit, tu sais, la façon dont tu es voilée, c'est pas quelque chose qui respecte les règles de l'islam, c'est pas comme ça. Elle a répondu, elle a dit quoi? Elle a dit, hey, non, t'étais là. Elle a dit, mon père, il a dit que c'est correct. Il est satisfait de ça. Donc, je me voile comme ça. Ça veut dire, elle se voile pour son père, pas pour Allah. Parce que celui qui se voile pour Allah, celle qui se voile pour Allah, elle va pas dire, ah, mon père, il est content si je suis pas voilé correct, donc je vais rester comme ça. Ou bien mon mari, si je vais juste mettre un petit foulard sur mes cheveux, il va l'accepter. Je suis pas obligé de mettre le djilbab au complet, puis tout, couvrir tout de la tête aux pieds. Lui, il me laisse juste mettre le pantalon avec le foulard sur les cheveux. Il dit, oui, ça c'est bon. Hein? On est au Canada, ça va, ça passe. Hein? On est en France, ça va. Ou bien on est dans un autre pays. Même dans les pays arabes, maintenant c'est comme ça. Dans les pays musulmans, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Asie, partout maintenant, ces choses-là, se laissent aller. Les femmes se laissent aller de plus en plus. Même il y en a qui l'enlèvent complètement maintenant. Allah Mustaan. Donc ça, c'est des exemples, tu vois. On oublie. On a plus peur des hommes que d'Allah, parfois. Donc on doit travailler sur notre cœur, notre adoration, pour qu'on adore Allah comme il nous ordonne de l'adorer, pas comment les gens veulent qu'on l'adore, hein, seulement, parce que c'est pas correct. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que Donc ces trois catégories-là, c'est les degrés de la religion. Et les trois degrés ensemble forment la religion. Qu'est-ce qu'on dit en arabe ? Ad-din, la religion. Ad-din, c'est ces trois degrés-là. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Hein? Et pour la preuve de ça, c'est quoi ? C'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu la visite de Jibril et qu'il était en présence de ses compagnons, ils sont venus, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une apparence humaine. Et il est venu poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant qu'est-ce que c'est l'islam ? Qu'est-ce que c'est al-iman ? Qu'est-ce que c'est al-ihsan ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donner les explications de ça. Il l'a expliqué à Jibril. Et à la fin, Jibril est parti. On va lire le hadith plus tard, de toute façon, dans le deuxième fondement. Mais c'est juste pour vous dire, il a dit, savez-vous qui était venu ? Savez-vous qui était cet homme ? Et ils ont dit, Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'était Jibril. Il est venu pour vous apprendre quelque chose de votre religion. Donc, ça veut dire que votre religion, c'est ces trois choses-là. C'est ça, votre religion. Ça, c'est les bases, les trois degrés les plus importants de notre religion. Donc, nous, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on va, Inch'Allah, au prochain cours, continuer à expliquer maintenant. Et on va rentrer dans les différents exemples d'adoration, une par une, que le cheikh a mentionné, en commençant par le dua, puis l'énumération que le cheikh a fait. D'accord ? Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À propos de l'ihsan, de toute façon on va y revenir. Mais c'est-à-dire que Al-Ihsan, c'est pas un degré comme tu dis, ça y est, t'arrives là, puis là tu restes. Tu redescends jamais, tu vois. C'est pas comme les soufis, hein, comment ils ont défini l'Ihsan, tu vois. Que ça y est, moi j'ai atteint l'Ihsan. Ils le déclarent eux-mêmes. Ils prétendent même que le soufisme, c'est l'Ihsan. Alors que, comment quelqu'un peut prétendre une chose pareille? Puisque l'Ihsan, ça fait partie de l'islam. Il n'y a rien dans l'ihsan qui sort de l'islam, hein? Tandis que dans le soufisme, il y a des choses qui ont rien à voir avec l'islam. Donc, c'est pas un synonyme de soufisme. Et donc, comme je te dis, ça se peut qu'aujourd'hui tu vas faire ta prière. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça se peut qu'aujourd'hui tu vas faire ta prière, tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ihsan. Puis, la prière de Maghrib, tu vas avoir moins de concentration, tu vas avoir moins d'ihsan dedans. Tu comprends? Donc c'est ça, ça monte, ça descend, parce que c'est des degrés de la religion en fait. Comme par exemple, l'islam, c'est le niveau des actes physiques, hein, des actes du corps. L'iman, c'est les actions du cœur. Puis, al-ihsan, c'est la perfection, hein, le plus haut degré de la sincérité et de la pureté et du tawhid dans la religion d'Allah. Donc, la foi, elle augmente et elle diminue. Donc, ton ihsan, tu peux atteindre l'ihsan dans certaines adorations dans la journée, ou dans ta vie, ou dans ta semaine, dans ta journée, dans ton mois. Des fois, ça monte, tu arrives à l'ihsan, des fois, ça descend. Tu restes juste dans l'iman, hein. Et des fois, tu remontes, des fois, tu redescends, des fois, tu remontes. C'est comme ça. Selon le degré de ta foi, selon ton intensité dans ton adoration, selon ta concentration, selon ta sincérité, selon la pureté de ton intention, la volonté que tu as pour que tu fais beaucoup d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu récites le Coran, par exemple, et tu te concentres sur chaque mot que tu lis pour essayer de bien comprendre, de réfléchir sur les sens, d'être affecté par qu'est-ce que tu lis, hein. Tandis que des fois, tu vas juste réciter la sourate, hein, tu vas faire ta prière, tu récites la sourate, tu récites Al-Fatiha, c'est comme des fois, tellement que tu la connais par cœur, tu la connais par cœur, c'est comme une répétition. C'est comme les enfants à l'école, on leur demande de réciter leur leçon, ils l'ont appris par cœur, donc ils récitent ça. Non. Donc quand tu vas faire tu vas réciter Al-Fatiha, puis tu vas réfléchir sur chaque mot, qu'est-ce que ça signifie, et chaque signification de ça, et qu'est-ce que ça implique. Pendant que tu récites, tu réfléchis à la signification de qu'est-ce que tu récites. Hein? Là, ça a un effet sur ton cœur. Hein? Tandis que si tu fais juste réciter comme ça, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sans te concentrer sur la signification de qu'est-ce que tu récites, eh bien là, ça va avoir un peu d'effet sur ton cœur. C'est pour ça que la vraie salat, quand tu la fais vraiment comme il faut, dans le sens complet de la salat, de l'établir réellement, quand tu vas sortir, cette prière, elle va te changer. Elle va t'éloigner du péché, elle va te rapprocher du bien. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat, elle t'interdit de faire les turpitudes et le mal. Mais des fois, si tu ne pries pas avec comme il faut, comme la prière qui est voulue vraiment d'Allah, comme Allah il t'ordonne de la faire, tu vas sortir de ta prière et puis t'es pas sorti avec un grand bienfait parce que tu as prié juste pour faire la forme. Hein? Donc ça c'est des exemples. Wallahu a'lam. Donc l'ihsan c'est quelque chose, le croyant là, il peut pas dire ça y est, je m'arrête, j'ai atteint l'ihsan, c'est fini. Non, tu dois toujours lutter chaque jour pour essayer de rester ou d'atteindre ce degré-là, à chaque instant de ta vie, même quand tu marches dans la rue, de te souvenir qu'Allah te regarde, de faire le zikr, de faire, chaque moment, quand tu es à la maison, quand tu es avec tes frères, quand tu es au travail, quand tu es avec le koufar, quand tu es, chaque instant, toujours te rappeler qu'Allah te regarde tout le temps. Hein? Subhanallah. Il n'y a pas un instant de ta journée que tu ne vas pas, oublier que Allah il te regarde et qu'il t'écoute et qu'il sait qu'est-ce que tu fais. Hein? Ça c'est ça l'ihsan. Mais ça c'est pas très facile. Mais il faut se faire des efforts pour essayer de rester toujours à ce niveau-là si on est capable. Hein? Te rappeler que chaque chose que tu regardes, Allah il le voit. Chaque chose que tu entends, Allah il le sait. Chaque chose que tu dis, chaque mot, Allah il l'entend, il le calcule. Et c'est écrit. Hein? Ça c'est un travail ça. C'est pas juste comme ça, tu dis ça y est, j'ai atteint l'ihsan. Non, c'est continuel l'effort. Donc Inch'Allah, de toute façon on va y revenir là-dessus, Inch'Allah. Bismillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.